L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus, vous entendez la radio Pokajou internationale. Je suis Mélissa Suarez del Real, très contente comme d'habitude de vous accueillir de nouveau dans cette émission diffusée en direct depuis Jukapo, capitale de notre île. Aujourd'hui, on voudrait dédier notre émission à monsieur Eugène Constantin, une figure très célèbre, spécialement dans la culture populaire des années 50 et 60 à Pokajou. Monsieur Constantin a été né en 1943 d'une famille d'immigrants et il est arrivé à l'âge de 8 ans à Pokajou. Son père, il avait de la chance parce qu'il avait reçu une offre pour venir travailler dans un petit village dédié entièrement à l'industrie laitière du Pokajou, une nouveauté qui à l'époque embauchait la main-d'œuvre qualifiée venant plutôt d'Europe. Puisqu'il venait d'une ville très peuplée, le fait d'habiter dans la campagne était pour lui le paradis sur terre. Selon sa propre autobiographie, il a passé son enfance dans un état d'émerveillement permanent en regardant les animaux et les plantes qui entouraient son village. Selon certains professeurs, à l'âge de 11 ans, il connaissait par cœur les noms scientifiques de la plupart des espèces qui habitaient dans sa région et il étudiait avec soin la flore pokajoutienne qu'il récoltait et séchait entre les pochettes des disques de son père. À l'époque, il était un gamin très mince, pâle et roux, toujours souriant et de bonne humeur, même s'il était très silencieux et un peu timide. Il pouvait rester assis par terre pendant des heures en regardant les chemins parcourus par les fourmis. Et c'était à l'âge de 13 ans que sa petite sœur, Marie, est tombée malade. D'abord, les médecins ont rassuré toute la famille quant à la guérison certaine de cette dernière. Cependant, le temps s'écoulait et l'origine de la maladie demeurait inconnue. La famille a parcouru tous les hôpitaux de l'île avec la petite, de plus en plus malade. Sans espoir ni réponse concrète, la famille est revenue au village en attendant le pire. Et c'était à ce moment-là qu'ils ont fait la rencontre de Madame Sato, la plus vieille femme du village. Ce jour-là, Madame Sato s'est présentée chez les Constantins avec un panier rempli d'herbes, racines et champignons et a offert son aide pour soigner la petite Marie. La famille a rapidement accepté et après avoir examiné Marie, elle a commencé à concocter une substance contenant toutes sortes d'ingrédients. Quelques minutes après avoir bu cet élixir, la petite Marie a commencé à avoir des hallucinations. Mais après quelques heures, son état s'est amélioré et finalement, en seulement 3 jours, elle a recouvré la santé. Depuis ce jour-là, Eugène partait tous les jours avec Madame Sato pour découvrir les propriétés des plantes et racines locales et pour essayer de percer les mystères que cette femme recélait. C'était avec elle qu'il a goûté, pour la première fois, les bonbons de Dum Dum, une substance hallucinogène auparavant très courante dans l'île. Voici un morceau dédié à cet ingrédient qui a voyagé dans plusieurs pays d'Asie. Hare Krishna. d'entendre Dum Marodum, une chanson qui fait partie d'un disque appelé Psychedelic Bollywood. Je suis Melissa Suarez del Real, vous entendez la radio Pocajou internationale. Aujourd'hui, on dédie notre émission à Monsieur Eugène Constantin. On parlait tout à l'heure justement de sa première expérience avec les dom-dom, une substance hallucinogène. Après cette expérience, Eugène a changé radicalement sa vision du monde, même s'il n'avait que 16 ans. Il a rencontré avec Madame Sato un monde inconnu pour lui, où la drogue faisait partie de la vie quotidienne. Au fait, à Pocajou, jusqu'en 1978, toutes les drogues étaient légales, mais personne ne parlait de ça. Ce que Eugène Constantin raconte de son expérience avec les bonbons, c'est qu'au moment de les prendre, il était dans le potager de Madame Sato. Alors, il a commencé à voir les plantes lui parler et lui racontait leur histoire. Eugène, émerveillé par autant de connaissances, a renoncé à tout retenir pour simplement les regarder et se laisser enchanter. Et, même s'il ne s'agissait que d'une simple hallucination, le talent d'Eugène pour la botanique et la chimie était hors du commun. Depuis le début de ses visites chez Madame Sato, il a noté systématiquement toutes les caractéristiques de chaque espèce pendant des années. En 1951, quand Madame Sato est morte, Eugène a déménagé à Pocajou pour faire ses études de biologie à l'université. Pour lui, villageois, habitué à travailler seulement en compagnie d'une femme âgée, l'université représentait l'occasion de rencontrer des jeunes personnes qui venaient de tout le monde. Presque avec euphorie, il a bientôt fait partie des clubs de danse, de poésie et bien sûr de l'atelier de musique africaine. Le secret de son succès social était son habileté à fabriquer les meilleurs bonbons de dom-dom. La technique traditionnelle de Madame Sato, avec le matériel professionnel de l'université, permettait la fabrication de bonbons de haute qualité qu'il offrait aux étudiants. Bientôt, il a commencé à recevoir tout un éventail de plantes et champignons pour faire ses tests, et parmi ses collègues, il comptait une trentaine de bénévoles pour tester les nouvelles substances. Pendant les 5 années d'études, il a créé et il a fait breveter plus d'une vingtaine de breuvages et il a fait de nombreuses expérimentations avec des essences naturelles. Il était, depuis cette époque-là, un couturier haute gamme d'élixirs aux effets sur mesure. Ainsi, même l'université l'a chargé de créer un remède pour améliorer la capacité de concentration et d'apprentissage des étudiants et plusieurs autres expérimentales pour diminuer la douleur et pour arrêter de fumer, par exemple. Il était donc, à l'âge de 24 ans, une vraie célébrité partout à Jucapo et la ville était devenue une sorte de paradis pour les amateurs de substances nouvelles. Voici un morceau de Imaran Timbuktu, Akal Warled, un hommage à la musique du Timbuktu que Jean Constantin aimait autant. On est de retour à la radio Pocageau internationale. On vient d'entendre Akal Waled de Imarhan Timbuktu. Vers le début des années 60, Jukapo recevait toutes sortes d'artistes, scientifiques et enthousiastes des substances. Les mouvements beatniks en fait ont eu son début tout d'abord à Pocageau et plusieurs styles musicaux comme le boogaloo se sont inspirés des drogues créées ou récupérées par Eugène Constantin. Le problème était que plusieurs utilisateurs étaient devenus accros aux différents types de drogues qu'il avait créées. Eugène Constantin avait donc déclenché un grave problème de santé au centre de l'université et il s'était rendu compte un peu trop tard. Parmi les personnes touchées se trouvait Lalo Guerrero, un musicien d'origine mexicaine qui composait des chansons pour des enfants, notamment celles avec les voix des petits écureuils. Depuis que M. Constantin a vu son copain souffrir une crise d'abstinence, il s'est mis à travailler dans le traitement de l'addiction et il a même créé des remèdes pour diminuer les effets. Malheureusement, son talent était plus centré dans la création d'autres types de substances. Il est quand même resté un personnage assez célèbre dans l'île et il est mort ça fait à peine 2 années. Même si son activité a déclenché des graves problèmes de santé, il a aussi fait partie de la renaissance de Jukapo comme une ville internationale créative et tolérante. On va dire au revoir avec le Marijuana Boogie, écrit par Lalo Guerrero, pendant son séjour d'exploration chimique à Pocageau. Merci de nous avoir accompagnés. Je suis Melissa Suarez del Real et j'espère vous rejoindre dans la prochaine émission de Radio Pocageau International. Póngase alerta ese vato, no se vaya al rol, porque va a empezar al rato el piano del cantón. Porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy. No se agüite ese pues, pégale duro esas teclas. Tronarnos las manos, digo yo. Me voy a sacar una buena vaina para echar un buen borlo ese. Porque esta bote de aquella este boogie. Mi jaina se llama Juana, Juana, Juana, Juana. Pero ya todos los vatos le dicen marihuana. Mari, marihuana, como te quiero yo. Cuando le suena ese boogie, me siento volador. Pégale bute esas teclas. Ya estoy aviador. Pégale bute esas teclas que ya estoy Pocageau International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine!